Conlambi Musique Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Conlambi Musique Jeudi avec EDS. Bonjour à toi, bonjour à tous, en belle bonjour bazote. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre du beatmaker, plasticien, Exo The Archemist. On va aller directement le rencontrer dans son studio 59 Rivoli. On précise qu'il est aujourd'hui même en vernissage à l'endroit à Asnières-sur-Seine. Aujourd'hui, dimanche 1er octobre, si tu écoutes l'émission en direct, tu peux encore te rendre à son vernissage, son expo, son show. C'est depuis vendredi et c'est jusqu'à aujourd'hui où il présente son projet, les Raw Beatbox, ses œuvres d'art, ses boîtes de cigarettes transformées en œuvres d'art par la magie du collage, de la peinture, mais aussi de la musique. Il va nous expliquer tout ça. Et après l'interview, je vous emmènerai à la soirée de lancement qui a eu lieu vendredi avec un petit reportage effectué sur place. Je vais aussi vous parler de l'importance de se raconter soi-même en 2017. Et pour ça, on a échangé avec le rappeur Manu Dichango de la Guadeloupe autour de son titre 30, sorti à l'occasion du triste anniversaire de la mort du jeune Johan en Guadeloupe. 30, c'est notre sélection du mois. La musique qu'on écoute depuis le début, c'est un brand new. C'est un morceau du groupe Watabui, groupe orchestral de souffleurs de conque marine de la Martinique. L'importance de se raconter soi-même. Musique Jeudi, musique d'aujourd'hui, de Martinique, de Guadeloupe, des pays créolophones. Parce qu'il est facile d'enfermer notre musique dans le passé, dans le « c'était mieux avant », sans connaître, sans reconnaître les voix actuelles qui innovent, font vivre et ravivent notre culture. Le statut légendaire international des groupes comme Kassav ou Malavoie nous fait parfois oublier le nombre de grands artistes de chez nous qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur de leur vivant. Et en 2017, la saturation des propositions musicales, la standardisation galopante des propositions plébiscitées, contraignent pas mal d'artistes passionnants à évoluer sous le radar, underground ou sur le côté, sans lumière médiatique, sans considération institutionnelle et aussi sans la curiosité du public rendu passif. Chérir l'innovation de nos artistes avant qu'elle soit validée par l'extérieur, c'est aussi chérir notre parole, entendre notre propre parole, être en accord avec notre propre souffle. Au lendemain de Maria, au surlendemain d'Irma, il est saisissant de constater que même lorsqu'un événement majeur nous touche directement, pour ne pas dire exclusivement, la couverture médiatique qui en est faite depuis l'Hexagone, puisqu'on ne dit plus métropole, changer le mot plutôt que sa réalité, ne déroge pas à certains fondamentaux. Dans les témoignages recueillis par les télés et les journaux, notre parole est confisquée, invisibilisée. Les populations autochtones sont rendues muettes, réduites à des présences floues en arrière-plan, soit victimes, soit pillards. Cela même dans le feu de l'actualité, imagine dans la banalité du quotidien. Mais au fond, tant pis si l'autre ne nous voit pas, ne nous entend pas. Le problème plus grave survient quand nous-mêmes, nous nous regardons à travers le prisme de l'autre. Quand nous-mêmes, nous ne nous voyons pas, nous ne nous entendons pas. Quand nous devenons invisibles à nos propres yeux et que nous l'acceptons. La culture, la musique ne sont pas la solution. mais peuvent être les voies par lesquelles nous racontons nous-mêmes. Dans le cas de petits pays comme les nôtres, tout comme les petits pays de Césaria Evora ou Gaël Faye, il nous incombe de valoriser ces voix par et pour nous-mêmes, avant même d'espérer qu'elles soient entendues dans le concert des peuples du monde. Une grosse pensée pour Saint-Martin, la Dominique, Barbuda, Cuba, toutes les îles de la Caraïbe qu'on ne cite pas, qu'on ne situe pas, qu'on n'entend pas. On rappelle que plusieurs organismes permettent de faire des dons en nature, nourriture, vêtements, y compris depuis Paris. Musique jeudi. Mono Ishango, Kon Lambi Music Jodi, One Love pour Love EDS. Yeah. I know you looking for that fire. I got that John Blaze shit though. Yo, I know y'all just want 216, so I'm just gonna spit it like that. For real. So that's exactly what you getting. Me spitting a couple written verses. The first is about Quentin, young and wild. Brung a child on this planet he doesn't claim. Scoop chicks using his cousin name and plays a dozen games. Thinks he knows it all. Still tries to fit in like when your clothes get small. Following in those footsteps that walk towards exposed pitfalls. Mama kicked him out of our house cause of his poor grades. He left right out that door straight, worse than before. Made money on the streets with elites. In no time there's receipts from leather seats and fleece. Rolling sweets and tucking heat since that metal's been on the copper. Riding, it's like riding a bike to catch you with your chain slipping, pedaling on the block. Bang, bang, bang, he finds himself inside a shootout with some rival crew. Thinking about survival through traffic speeding while bleeding. His graphic blood leaking more than an ounce. Shit, at 16 hours before his daughter's birth, he was pronounced dead. Damn, say you wanted 216s, I'ma give you 216s. You say all you want is 216s, then I'ma give you 216s, yeah. I'ma give you 216s, yeah. I'ma give you 216s, yeah. I'ma give you 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Listen as I run through both of these tales I wish I could undo. Musique c'est pas des chaises botables, allons nous caméler ça dans cuisine là. Fais autre quoi qui ça qu'a fait en bas table là. Le morceau que tu viens d'entendre, 216s, est signé du rappeur américain Elzaï, un lyriciste d'exception, ancien membre du groupe Slum Village, auteur de l'album Lead Poison en 2016. Si on l'écoute, c'est parce que 216s, 2 x 16 égale 32. 216s signifie deux couplets de 16, le 16 mesure étant la longueur classique d'un couplet de chanson rap. Dans le refrain, il s'adresse à son public. Vous vouliez deux couplets de 16, alors je vais vous donner deux 16. Un exercice de style où il raconte deux histoires tragiques qui se rejoignent, celles de deux personnages âgés chacun de 16 ans et qui se terminent par un meurtre. C'est ce même concept qu'a repris Mano Dishango dans son titre 30. Un an après le meurtre du jeune Johan par un autre jeune du même âge en Guadeloupe, le rappeur raconte cette histoire et nous plonge dans la vie des deux protagonistes, tous deux âgés de 15 ans. Quand c'est des couplets 15. Le refrain, vous dit ça ouvre les, c'est couplet 16 en cabao des couplets 15. Mano, déjà pouillonne, soupez-nous. Qui ça qui baoli qu'on ça, les autant de sons Elsa et 216s. Premier bité qui bon moyen dans son là, ça, c'est Mizikai. On pas beaucoup comprendre anglais bien, on savent lire mais pour ça qui quand on dit à l'oral, ça c'est bien difficile ben moi. Donc c'est vraiment son là qui ben moi, gens là sont la fête, c'est vibe qui ben moi. Différence là mon cas ouais entre ces deux morceaux à 216s et puis t'as là c'est que 216s ça elles a matché, c'est une histoire qui est fictif. On s'est dit que c'était un scénario cinéma. Et Taola, c'est une histoire qui est vraie. Est-ce que tu peux dire nous, qui ça qui fait ou tu as envie de conter l'histoire, Johan? Effectivement, Si c'est pour marquer texte, si tout crime, tout qu'on y a dit, entre guillemets, fait divers qu'a fait Guadeloupe, c'est qui ça qui fait? Sans trouver qui était symbolique dans ça, c'était l'âge assez bouga. 15 l'année, on bouga 15 l'année, quand tu vois, on bouga 15 l'année, à pas rien, donc bien gardé. C'était raison là, téléphone portable qui veut dire un symbole à la société là, nous qui vivons dans aujourd'hui là, hein. Tout le monde a un téléphone portable en meilleur quasiment. Et peut-être aussi, avec ce bon recul, c'est une accumulation à différents crimes qui fait Guadeloupe l'année là, ça. Ça qui fait si bon pito en 2016, peut-être en 2015, mais d'après moi c'est 2016 même. C'est un jeune qui mort joué anniversaire sur une plage, mais c'était à Pampier là, hein, un étudiant, et on trouvait ça fort qu'il n'y ait pas ni plus qu'action qui ça des sociétés là, si c'est bon là ça qu'a représenté un jeune étudiant qui mort joué anniversaire. Alors que Jess décide de profiter finalement des paysages, hein, Bouga la plage, café d'anniversaire. Effectivement, c'est une sortie qu'on a dit nocturne, mais si nous couvrons, faut nous dire nous. Si on ne peut pas sortir des casas, aller à la plage pour fêter l'anniversaire en tant que jeune, c'est que bitin la red, bitin la très très red, c'est un état d'urgence. Pour toute jeune Guadeloupe, tu as assassiné. One love, one love. Mano y Shango, Shango. Aux jeunes qui levaient, événement, moi, qui voyageaient, événement, moi, qui prend bon fait, événement, moi, passer toute vie. Là où écoutez les démos soa, ou ka ouais, c'est l'histoire en moon, qu'a choué en l'autre moon. Pourtant, les démos soa, ni en ambiance cool, posée. Et mon télé savent, Pucci, bah, ça t'est important, printemps, pas les dit contexte, l'histoire. En cas, penser ça t'est important de bailler contexte là. En cas, considérer nous, qui veut dire rapper, slammer, moun ka fait dancehall, zouké, bref, tout moun ka marqué texte. Que nous c'est des témoins en nous c'est des, comme on dit, des observateurs. Et que nous n'y avons rôle à jouer pour nous décrire la société là, nous qui vivons dedans. Sans constater, c'est que pas ni pon analyse à sociologue, journaliste, en med. Et ben moi, ça t'est important. Pour qui bite ça t'est important? Parce que à TV, essayer de répondre à la question là, ça. Qui j'en fais en société peut produire ça? Qui j'en fais en société peut produire un jeune à 15 l'année? Quand tu vois un jeune à 15 l'année pour un téléphone portable? Nous j'ai dit comment on est arrivé à construire Mosso à 30 dans même l'esprit qui est 216. Mais ça manque à voir, c'est que même dans le flow là, je sais dit, ou quand il brin dans la cadence Elzaï, manier il a la GCMO en les Charléa, est-ce un bagaille ou choisi fait? Ou bien est-ce beat là qui barre li comme ça et puis t'écoulait Bossa Nova? Ou si dirais c'était en version tropicale, dit ça Karim Riggins fait à dans son Elzaï. Alors effectivement, en inspiré moi si brin des flow à Bouga, on joue ma texte là si même. Musique là, mais ça te wak. Ça pas bon moyen en trouver ça te couchal que bon à partir la peine à essayer faire on va pour Elsa parce que Elsa même son extraterrestre. Et ça qui fait c'est qu'en tomber si son là ça si l'autre sont là qui n'ont va beau ça, il pas te ca tourner à même vitesse là, donc il s'est adapté pour tourner à même vitesse là et on fait propre remix en moins, hein. On prend a cappella en main, on mixe, il y avait son là qui n'ont vibe ou ça, et on constatait que ouais, ça t'est un vibe, que ça t'est entre guillemets partageable, sortable. Après, pour vibe à bossa là, effectivement, on a considéré son histoire qui triste et son lagnon vibe qui a en quelque sorte adouci histoire là, même si bon, c'est une histoire qui peut que j'en douce. Et pour finaler ça, mon Bouga qui fait son là, Call Me Like, qui fait musique là, son américain qui a fait un son, et bien on sample, on extrait à musique Brésil, et son histoire qui a fait Guadeloupe, et on a trouvé son bon symbole parce que nous avons partagé une histoire, nous avons partagé une réalité à violence, qui c'est LA, qui c'est Rio de Janeiro, qui c'est Pointe-à-Pitre. One love. Qui rêvait événement, moi, qui voyageait événement, moi, qui prend bon fait événement, moi, passer toute vie à y maman. Qui apprend par le français, la physique, à parler français, côté un seul, il reste les capouches, cabanigan, c'est en solitude, il n'y a son côté qui pas ténicité, il prend l'habitude, voilà, il y a son, mais à grand frère qui t'a chiffré, il fait l'école. La gué, t'es qu'à senti discriminé, t'es qu'à senti qu'on s'élève là, qu'à yo TV éliminé. Faut ou dit langue maternelle, et pas t'es qu'à faciliter, il trouvait qu'à faire des yétables, là, j'ai un collège givé. Bab kamene bab mama, pas TP encore, pour qu'on n'en pas si mon encore, il qu'a pas c'est un aide war. Pour ou y'a fort ou ni, c'est ça, il voit tout partout. En la rue, en télé, si web là, ça important ni sous ou ni dernier modèle. Pour un tel, il baille 7 coups. Ou dit ça ouvre ses couplets 16, en cabane de couplets 15. Ou dit ça ouvre ses couplets 16, en cabane de couplets 15. En cabane de couplets 15, bois. En cabane de couplets 15, bois. En cabane de yonde yonde. Yeah, yeah. Vin coûte yeah, yeah. Délicieux. Yeah. Quand yeah. Yokazi, il était une yeah. Fois. Lui aussi levé, vé maman, il toujours carré des maman, il pas qu'à faire un sel, pas sang, il papa, il pas là, c'est maman. Lui aussi a fondé ça dans un set débat qui grand est une idée, gosse, c'est anti-frère, il s'est en wall modèle, grand frère. Là, il est vé à partir, mon mène, ni moun kavoué, misère, là, il est vé à pas ghetto, mais au wakaza, ni gangster. La bite, il a élevé bonnet, il capote, bon manœuvre, la vie pas facile, en grand famille, il déterre, il y en rêve. Pour prendre à ses têtes matin, il rivait à 6h30, levé à 4h matin, à pas bouki qu'a dormi, non. Il veut faire l'école, prendre diplôme en téléphonie. Il veut connaître théorie, même si ni moun ka dit c'est génie. Après coup, aïe, il te kaye, remonte Saint-François. Il te en l'ange, bon Dieu te voyé, pour ban nous espoir. Il crie yo, why, 20 jours la croix, encore dit la croix. Ou dit ça ouvre ses couplets 16, encore des couplets 15. Ou dit ça ouvre ses couplets 16, en cabane des couplets 15. En cabane des couplets 15, bois. En cabane des couplets 15, bois. En cabane des yonde yonde. Vin coûte de l'histoire. Quand Yokazi il était une fois. Yes, ça, et c'est exotérique, The Alchemist, ou Con Lambi, Big Up EDS. Yes, ça. Con Lambi, Musique Jeudi, on est aujourd'hui avec Exo qui nous reçoit dans un de ses ateliers au 59 rue de Rivoli. Bonjour Exo. Bonjour. Donc est-ce que tu peux nous dire où nous sommes et où est-ce que tu nous reçois? Okay, ben là on est au 59 rue Rivoli à Châtelet, donc à l'atelier où je travaille, en plein Paris, hein, un lieu où il y a beaucoup de touristes qui passent, beaucoup de magasins. On ne se doute pas qu'il y a de l'art en fait underground, hein, quand même, comme ça, en plein milieu de Paris. Donc voilà, c'est là où on évolue la plupart du temps. Exo, la dernière fois que je t'ai croisé, donc ça fait quelques années maintenant, ouais. Ça devait être dans un open mic ou un concert hip-hop créole. Ouais. Donc moi à l'époque, j'ai connu un exotique rappeur, beatmaker. Et aujourd'hui, je découvre sur la toile que tu as un vernissage prévu bientôt à Asnières. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quelques années, quelques expériences, quelques révélations, quelques atavismes, même, j'ai envie de dire. Et voilà, donc depuis en fait 7 ans, j'ai commencé un travail plastique que j'ai couplé, enfin qui est né même de mon inspiration musicale, parce que dès que j'ai commencé à composer, à faire du beatmaking depuis 10 ans maintenant, ben, en fait j'avais toujours une vision des couleurs. C'était une obsession comme ça, je parlais tout le temps en couleurs inconsciemment. Et donc j'ai des amis peintres qui m'ont encouragé, presque forcé même la main, à faire sortir ces couleurs de ma tête. Donc du coup j'ai commencé à peindre comme ça et en fait j'ai compris en fait la démarche dans laquelle j'étais. Et du coup ça s'est matérialisé au fur et à mesure et puis ça a donné naissance au concept Crow Beatbox. Donc Crow Beatbox, c'est on va dire l'œuvre centrale de ton expo, oui. Qui arrive bientôt. Alors On est un peu en amont. Au moment où l'émission sera diffusée, on sera en plein dedans, parce que ce sera même le dernier jour. Redonne-nous les dates quand même. Donc ce sera du 29 septembre au 1er octobre. Voilà, et l'émission donc sera diffusée le 1er octobre. Donc si vous l'entendez en direct sur Radio FPP, il est encore temps d'aller à Asnières. Le lieu s'appelle Le lieu s'appelle L'Endroit, et c'est géré par le GDS, le Good Dirty Sound. Donc avec donc Exo. L'artiste central, donc, qui est toujours beatmaker, mais qui maintenant a rajouté la casquette plasticien revalorisateur. C'est ça. Donc, en fait, c'est plasticien, hein, donc, qui travaille l'art plastique, et revalorisateur, puisque je travaille essentiellement à partir de matériaux recyclés, quoi, de déchets. J'utilise aussi le terme archimiste. Donc c'est qui retravaille les matériaux vulgaires et qui en sort le précieux, on va dire. Ça peut surprendre donc, une certaine génération de hip-hoppers plutôt influencés sample, New York, les années 90, donc vraiment le hip-hop traditionnel, hein, c'est très différent de ce qui va dominer sur les ondes actuellement. Donc ouais. C'est une trajectoire un peu surprenante pour un artiste qui a connu cet univers. Et en même temps, tu viens de le dire, retravailler les matières brutes, les objets un peu mal connotés, c'est quand même une des bases du hip-hop. Comme l'émission s'appelle Musique Jeudi, on parle art, mais on parle d'abord musique. J'ai un peu vu ça d'un point de vue hip-hop, donc est-ce que tu peux me confirmer? Donc déjà, transformer le négatif en positif, c'est justement une des bases du hip-hop. C'est totalement la démarche dans laquelle je m'inscris, qui s'est prolongée avec ce concept. Mais c'est le même esprit. Et aussi promotionner la paix, l'amour, l'unité et s'amuser, quoi. Donc le principal, c'est d'avoir cette devise. Et en fait, le hip-hop, c'est beaucoup, elle prend beaucoup de formes. On a parlé on connaît les cinq disciplines qui ont été ensuite étendues à neuf. Je pense que le hip-hop aussi se redéfinit, se réinvente constamment. Donc justement, nous acteurs aussi justement de cette époque, on va dire maintenant qui est classique, c'est intéressant aussi de donner d'autres perspectives, d'autres axes d'évolution, quoi, pour notre culture. Donc en gardant la base, bien sûr, des éléments. Le graffiti, c'est justement l'une des disciplines du hip-hop et la seule discipline graphique. Je voulais savoir, est-ce que tu avais quelle en était ton expérience? Le graffiti a joué dans mon inspiration, mais de manière plus visuelle. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment pratiqué le graffiti. Bon, j'ai tagué un peu comme tout le monde quand c'est au hip-hop, mais j'ai pas vraiment eu d'expérience dans le graffiti à proprement parler. J'avais vraiment plus une notion, simplement on va dire picturale en fait. Donc c'était vraiment les couleurs, directement les textures, mais ça pouvait prendre toutes les formes. Les codes, généralement, c'est d'où mon nom Exo aussi, hein, c'est celui qui est toujours un peu hors des règles, un peu hors du truc. J'ai voulu un peu réinventer les choses avec la manière dont je les voyais, quoi. Pour bien comprendre, parce que bon voilà, on parle art plastique, mais on est à la radio, donc les Hobbit Box que tu proposes sont des boîtes de cigarettes que tu as transformées, customisées avec plusieurs techniques. Donc il y a de la peinture, du collage, du dessin. Et en fait, du coup, parce que voilà, comme on parlait du beatmaking, c'est simplement une technique que j'ai transposée en fait. C'est-à-dire que en beatmaking, on peut faire du sample, on peut composer avec les claviers, tout rejouer ou réenregistrer des sons dans la rue, enfin partout, réinjecter dans les machines. Et la boîte, pour moi, le paquet de cigarettes, il correspond à la boîte à rythme, à la MPC par exemple, qui est vide. Donc du coup, on va tout sampler. Donc du coup, la boîte, c'est la MPC. Coupure de journaux ou les journaux, ce seront les vinyles. Mm-hmm. Du coup, les samples que je vais extraire des vinyles, mais ce sont les coupures de papier qui sortent des magazines et qui viennent recouvrir la boîte, qui font la musique aussi visuelle. Donc c'est vraiment, l'approche, elle vient vraiment du beatmaking, quoi. C'est vraiment une démarche musicale qui transpose un visuel, quoi. Bon ben, j'avais bien compris, parce que c'était aussi encore un des points pour analyser ça de point de vue hip-hop. C'est le parallèle qu'on pouvait faire entre le sampling et le collage. L'échantillonnage d'éléments sonores et d'éléments plus plastiques, physiques. Et puis aussi, quand on fait du beatmaking, c'est à la fois la liberté, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut avec les sons, et en même temps, la contrainte d'un format, c'est-à-dire le rythme binaire, le beat, la batterie, etc. Et c'est aussi la même chose que tu as avec la boîte de cigarettes. C'est ça, tout à fait. Bon, pour préciser, parce que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon ben, Exo, c'est un bouc qui a filmé bon cigarette. c'est le cas ou c'est pas le cas? Ça n'a rien à voir. Non, du tout, je ne fume pas de cigarette. Et je ne fais pas non plus de lutte anti-tabac, je vais préciser. Okay. je m'occupe en fait de trouver une nouvelle vie à l'objet. Voilà. En fait, je suis plus si je suis anti quelque chose, mais pas vraiment. Mais je veux dire, j'essaie de réduire le gaspillage surtout. Mm. Le format pour moi, enfin le format, il est intéressant. C'est-à-dire que on pose le même problème, si tu veux, que le beatmaking avait il y a quelques années, où les musiciens, on va dire classiques, instrumentistes, ils prétendaient que c'était pas de la vraie musique puisqu'il y avait ce rythme comme ça, les boucles, les choses qui étaient un peu répétitives. Donc du coup, on se retrouve avec la même problématique en art plastique, donc avec ce format qui est quand même petit, c'est de l'art de poche. On va entrer dans un peu ton processus créatif. Mmh. Donc, comme on a dit, c'est des boîtes de cigarettes transformées en œuvre d'art, un peu étoile. Mais à l'intérieur de cette boîte, il y a un QR code. Donc, ça permet ensuite, via une application, d'écouter ta musique. C'est ça. Donc, il faut juste télécharger l'application sur son smartphone. Et donc, du coup, qui permet de scanner les QR codes et de télécharger directement sur son téléphone le fichier. Le fichier MP3. Hein, Et donc dans ton processus, chaque box, chaque boîte de cigarettes est liée à un beat. Je réutilise parfois le même beat parce que je fonctionne en fait par association de sons et de couleurs. Donc quand les boîtes ont les mêmes ambiances visuelles, ce seront les mêmes sons qui seront utilisés. Puisque bon, comme je suis quand même assez prolifique, on atteint une limite en fait technique au niveau des nombres de sons qu'on peut charger aussi. Mais sinon, le rapport c'est ça, c'est vraiment entre les sons et les couleurs, aussi les mots, voilà, le visuel et l'auditif. Quoi. Je voulais savoir comment tu ranges tes box. Ben, un beatmaker peut avoir par exemple un dossier pour ses beats un peu plus soul, peut-être plus hardcore, plus caco. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais, hein, peut-être avec un autre système de classement? Et est-ce que tu ranges tes box aussi? Tu as parlé des couleurs, mais par thématique. Oui, les thématiques ont un lien entre elles, donc elles sont même interchangeables en fait, puisque je me base sur aussi les émotions, c'est-à-dire que on va prendre une couleur par exemple, le noir, aujourd'hui dans telle situation ça peut t'évoquer telle ou telle chose, dans un autre contexte ça va t'évoquer autre chose. Donc aussi il y a une sorte de réinterprétation aussi que je laisse à l'auditeur. On peut se baser autant sur la musique pour les ranger que sur le visuel. Donc c'est assez versatile quoi. Et dans ton expo, j'ai vu que tu auras une grande surface disponible. Comment ça va s'organiser? Est-ce que c'est bon à l'heure où ça sera diffusé, ce ne sera plus une surprise. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'on trouve dans cette exposition? Avant de te répondre, il faut que je revienne à la genèse du projet aussi, pour qu'on comprenne bien. Les paquets de cigarettes, en fait, pour moi, ils représentent des arbres qui ont été coupés et qui sont aussi une représentation d'un peuple, en fait, comme les êtres humains ou autres espèces vivantes. Et du coup, quand je te disais qu'il y a plus de box que de beat, le beat, ça va être le langage, en fait, que parlent ces êtres. Donc, comme on est, par exemple, nous, êtres humains, par exemple, si on est tous d'un pays ou d'une île, on parle la même langue. Donc ces boxa, ce sont ces êtres-là qui parlent la même langue, elles ont le même beat. Celles qui viennent d'ailleurs, tu vois un peu, c'est une allégorie de tout ça. Et donc du coup, l'exposition va mettre ça en scène. Bon, là, ce sera diffusé, ce sera déjà en cours, donc c'est plus un scoop. Donc du coup, on va représenter des arbres, justement, qui vont supporter, qui vont porter les box. Ok. Je veux savoir, comme le hip-hop, le rap, qui sont des mouvements et des musiques relativement dénigré, soit méconnu. Je voulais savoir comment c'était reçu dans le milieu artistique, art plastique, ton travail. Bien, parce que ça m'a aussi permis de me rendre compte que le hip-hop subissait un gros préjugé, en fait, souvent par la manière dont les gens le percevaient, mais à travers des stéréotypes. Souvent, quand on parle à quelqu'un qui n'est pas familier avec la musique, on lui dit hip-hop, Ils voient tout de suite une image en fait qui a été véhiculée par les médias, c'est bien la télé, etc. Les gens ont souvent ce préjugé dans la tête quand ils abordent la musique, donc ils n'écoutent pas réellement, on va dire. Donc je me suis rendu compte que s'ils ont un autre moyen d'accès à cette musique, bien, l'approche aussi, elle change. Donc c'est psychologique en fait. Et puis au-delà de tout ça, on sait aussi que, enfin, il y a des études qui le montrent, que parfois on a besoin d'une mise en condition pour accéder à quelque chose. Donc le fait de voir des couleurs déjà, ça permet déjà au mental d'être prêt à accueillir la musique en fait. Je sais que tu fais aussi des ateliers. Oui. Sur la création de tes box. C'est ça. Je voulais savoir quel retour tu avais du public, et est-ce que tu as par exemple eu des retours disant que ça leur a permis d'écouter du hip-hop avec une oreille nouvelle? Oui. Il y a aussi les enfants. Les enfants aussi qui participent aux ateliers, notamment un petit jeune de 13 ans qui est littéralement tombé fou du concept, qui m'a même dit qu'il voudrait en faire son métier, quoi. Donc franchement, c'est vraiment enrichissant, quoi, de toucher les gens de cette manière et d'avoir ce retour-là. Donc même aussi certains jeunes qui ont pas connu notre époque, on va dire, même si elle n'est pas très loin, hein. Des jeunes, je veux dire, vraiment des petits jeunes qui sont ados, quoi, qui découvrent le hip-hop, donc qui ont un certain type de musique, qui n'ont pas connu les années 90, concrètement. Ça leur permet aussi de redécouvrir, voilà, cette période-là, enfin, ce style de hip-hop. Donc c'est la culture aussi qu'on véhicule, quoi, avec d'autres supports. SI, c'est exotérique, Alchemist, Conlambi, Big Up DS. On va parler du beatmaker Exo. Je voulais savoir quels sont tes... Bon, on a parlé des années 90. Mm-hmm. Bon, comme c'est du sampling, et en écoutant un peu ce que tu as fait, je vois surtout l'influence new-yorkaise de cette époque-là. Mais toi, voilà, qu'est-ce qui t'influence, au-delà des couleurs que tu perçois et tout, musicalement? Musicalement, ben, beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, hein, je suis de les classiques, moi. Hein. Donc, Jay Dilla, DJ Premier, Dr. Dre, etc. Les producteurs, on en connaît plein. Les bases musicales de chez nous, bien sûr. La musique Broca, Zouk, reggae, etc. La musique ancestrale africaine, j'écoute beaucoup de musique pygmée, des choses de ce genre. Et puis les sons, simplement les sons de la vie de tous les jours, les voix, tout ce qui est sonorité me parle au fond. Tu disais musique ancestrale africaine, tout à l'heure tu m'expliquais que donc les Ro Beatbox, on précise que ça s'écrit X-O-B-E-A-T-B-O-X. Beatbox, que Ro justement venait d'une langue africaine. Ça vient de la langue Fon du Bénin, et en fait ça veut dire tout ce qui est inventé par la parole, puisque dans l'histoire de la fondation de la langue du Bénin, le Fonbé, il y a deux particules qui créent la langue, donc le son primordial et l'intention qui crée le verbe et ce couple au son et qui fait la langue, quoi. Moi, mes ancêtres sont du Bénin. Je suis antillais, je suis caribéen, mais je connais mes ancêtres, donc ils sont du Bénin. Donc du coup, c'était aussi un retour, donc faire le pont aussi à ce niveau-là. Et retranscrire aussi tout ça dans mon art aussi, donc ce qui est aussi un des attributs aussi pour moi du hip-hop, dont peut-être qu'on ne parle pas assez aussi, mais qu'il est, parce que le hip-hop, on va dire sous sa forme qu'on connaît aujourd'hui, il a pris naissance aux États-Unis, mais en tant qu'afro-descendant ou afro-ascendant, on sait qu'il vient de plus loin que ça. Donc c'était aussi l'occasion aussi de faire le lien, le pont aussi. Tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas là pour lutter, tu n'étais pas anti-tabac, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es pro-environnement, écologie. Tu as parlé de lutter contre le gaspillage à travers cette récupération des boîtes de cigarettes. Cette dimension de développement durable dont tu parles dans ton art, Ça m'a aussi interpellé justement pour un hip-hopper classique qui n'a pas forcément beaucoup de perspectives dans l'industrie actuelle pour développer sa musique. Est-ce que c'est pas justement, au lieu d'avoir un plan de carrière traditionnel, une manière de se réinventer, est-ce que tu as eu ça en tête aussi? Pas au moment où je le faisais, mais une fois que j'ai réalisé, oui, je me rends compte, bien sûr, je me rends compte, puisque le panorama, il a vraiment changé. Donc oui, je me suis rendu compte que c'était une direction vraiment intéressante, donc ça motive aussi pour continuer dans ce sens-là, bien sûr. Parce que là, du coup, tu ouvres des portes nouvelles, on l'a dit, rencontrer des gens qui ne seraient peut-être pas venus simplement écouter un collage de samples. Mais je voulais savoir, bon là, chaque box me permet d'entendre un morceau de toi, mais qu'en est-il d'un format peut-être plus traditionnel, comme un album, en tout cas un regroupement de plusieurs œuvres? Oui, c'est quelque chose que je fais aussi. Donc, sur à l'intérieur des box, on retrouve donc des beats singuliers qui correspondent aux couleurs qu'il y a sous les boîtes. Mais on retrouve aussi des versions albums, notamment une première mixtape Farine Manioc et Sick, qui est aussi disponible sur une box. L'album de Tengusan aussi, disponible sur une box depuis peu. Ni soleil, même si ni corruption glisse. Passe politicien, si mais quittez nous marte bis. Ni ça qui la jolle, ni ça qui pas j'en aller. Ni ça qui j'en aller, et d'autres qui péquent jamais aller. Où ça? Ni ça qui ni en trip, mettez le genou poche yo. Ni ça qui qu'a tripé, foutez la jambe ou en poche yo. C'est ça qui a fonctionné. D'autres qui pas ou en conyen, timonzel, qu'on abeilles fait miel. Ni maman, ni man, ek miss. Ni man, ni tonton, ni papa, ek ish. Ni métis, ek métis. Qu'on bon nègre enragé, ni la joie, bon nègre sagesse, même les ni l'orage. Ni en l'autre manière vivant, l'être il a témoin. Ni ma crélage qu'on conne bif, car il est pissé qu'est au moins ni dilé, ni volé, ni soldat, ni guerrier, ni sirès, ni sérieux, ma yo respect, yo représente. Nina, la témoin, racine moi, même si ou ça rend moi fou. Nina, la témoin, racine moi, ou ça bat nous bon l'amour tout. Nina. Le maxi aussi de Paysano, Tralogy, qu'on a ressorti aussi. Senti la haine, cœur m'est blessé, ça qu'a fait en la peine. Sans qu'à rencontrer, c'est des veines si des peines. Survival qu'on tienne, en qualité tout seul. Contre plusieurs à dans l'arène, et vont tienne, nous vend ça qui n'y les reines. Si employé la violence, c'est moi qui qu'est porté pète. En préparé tes pistes, n'en cabré tout ça, injustice, surtout sous vrai. C'est pas moi qui fautif, rappelle pas, j'en ai raison d'ouvrant poule. Mais on peut pas laisser yo rouler, moi qu'on poule. En lucide, en passe ou papa m'en pour en ma boule. L'en cas des et si les coupables savent, c'est qu'on la houle. Passant savent qu'en l'histoire réclame et saïka. Revenne mes détroits, d'après la loi que pour moun pas censé ignorer. L'issa qui veut pas respecter, seul pour un homme pousser à bout. Pour y péter les foncillos, l'enfant tu vois yo katisseo qui mauvais. Après parler c'est agi, pas ni temps pour réfléchir. En cheng peng cheng, donc ça normal grand aigri. Quand ni la haine, passe pendant ou qu'a caché, puis final la pli, on va faire yo à la brique. Après mon plaisir, en famille à Tahiti, savent ça. Qui pas bon pour soi, pas bon pour Kana. Alors pas fait moun ça, ou pas veille au fer. Si c'est un ou en moins, yo veux mettre des bâtons. Ça capa moins encore plus force pour être ouvant. En pas ni pour combiner avec bon qualité patron. Parce qu'un gros start est parti ni pour yon qui bon. Si c'est un ou en moins, yo veux mettre des bâtons. Ça capa moins encore plus force pour être ouvant. En pas ni pour combiner avec bon qualité patron. Parce qu'un gros start est parti ni pour yon qui bon. Dans les box, donc ça permet par extension du coup, puisque c'est un concept qui bien sûr à l'image du hip-hop qui peut se réinventer et puis qui est encore nouveau, donc qui est amené à évoluer, à prendre encore d'autres embranchements et s'étendre quoi. La box en fait l'idée c'est de proposer un support de musique, pour résumer, un support de musique aussi éco-numérique et artistique. Voilà, on joint le fait main, donc l'artisanat, l'art, le recyclage, la musique bien sûr et le numérique. Tu as cité plusieurs rappeurs antillais donc avec qui tu as travaillé. Oui. Bon déjà toi-même, oui, oui. Exo, tu as Tengusan, oui. Paysano, je sais que tu as produit aussi pour Mali, oui. Neg Lyrical aussi, il me semble. Oui, Neg Lyrical. Oui. Je voulais savoir ce que McFla, oui, McFla semble, sur son une coprod avec DJ Phony. Est-ce que tu as voilà d'autres projets de production? Concrètement, en ce moment, ben, je travaille avec Paysano, avec qui on a un groupe qui s'appelle Life en Essec. Donc, on travaille aussi sur un album en parallèle et oui, toujours des productions au fil des rencontres. je travaille d'une manière assez organique tout le temps, quand je fais des rencontres, des bonnes énergies. On va dire la prochaine production concrète que je vais proposer, ce sera un artiste du Liberia qui s'appelle Geno, que j'ai rencontré à Paris. Quelques morceaux de lui sur mes prods qui seront bientôt disponibles, qui sont déjà enregistrés, donc qui seront bientôt disponibles sur des box. Sur beaucoup de prods que tu as placés, il y a un point commun, c'est le créole. Ça ne s'entend peut-être pas quand on visualise la box ou quand on écoute des beats. Est-ce que c'est quelque chose qui déroute peut-être ton public, si tu as l'occasion de faire des performances? Mais en fait, c'est pas quelque chose auquel je pense trop, parce que c'est ma langue maternelle, donc je m'exprime tous les jours en français, donc je pense que pour les auditeurs, parce qu'on est à Paris, donc ceux qui ne comprennent pas le créole, c'est aussi intéressant pour eux aussi de découvrir un autre flow, d'autres mots, d'autres accents, enfin d'autres sonorités, d'autres couleurs, voilà. Donc tu te poses pas la question. Je me pose pas la question, c'est pas voilà, enfin la gay, parce que on a toujours dit, même à l'époque, oui, quand c'est les Américains, etc., on demande pas de s'exprimer en français, etc. Et souvent nous, artistes antillais en France, on avait tout le temps cette remarque-là, oui, mais on comprend pas, puis vous parlez français, donc pourquoi vous n'écrivez pas en français? Mais bon, c'est vrai qu'on écrit, on fait appel à d'autres, enfin, on fouille au fond de nous-mêmes, donc le créole, c'est ce qu'on est essentiellement. Donc, enfin, moi, c'est naturel pour moi de m'exprimer et de pas me questionner sur comment c'est perçu, quoi. Petite question d'ouverture, je sais que tu appelles tes box, donc on rappelle Robit Box, et d'ailleurs le site c'est Archemist. Oui, thearchemist.com, ARKEMYST. N'hésitez pas à aller chercher un site, un très beau site qui permet de visualiser déjà toutes les œuvres et d'en apprendre encore plus. Tu appelles tes œuvres des œuvres d'arbre, une filiation directe avec l'arbre, la nature. C'est l'actualité aujourd'hui, au moment où on fait l'interview, Maria, l'ouragan Maria est en train de sévir sur nos îles. Que t'inspire cette saison cyclonique ? La saison cyclonique, elle m'inspire beaucoup de... C'est comme une période de tribulation, en fait, avant de voir des jours meilleurs. Hein. On sait que les choses fonctionnent par cycle, donc on a des saisons, justement, cycloniques. On sait un peu, généralement, un peu à quoi s'attendre, mais relativement, bien sûr, parce que chaque cycle a sa force, a sa dimension. Mais voilà, quoi, moi, je sais que les choses fonctionnent par cycle, donc après une tempête, il y a toujours le beau temps. Voilà, quoi, c'est mon fosse. Merci Exo, est-ce que tu as un dernier truc à rajouter, un dernier message? Ben moi je dirais peace, love, unity and having fun. Et c'est exotérique, dit Alchemist, Con Lambi, Big Up EDS. Principalement, parce que c'est quand même ma base, donc mais je veux dire, je m'autorise de sortir de ça aussi, quoi. Mmh. Ça correspond aussi à l'allégorie de la boîte aussi, tu sais, think out of the box aussi, beat the box, parce que en même temps aussi, justement, on a fait du hip-hop aussi, une sorte de boîte dans laquelle on n'arrive pas à sortir, tu vois, donc, à partir de cette base-là, mais construit dessus, quoi, et on met ça plus loin. Et... Donc là, on a quoi comme sample? Là, on a un sample de reggae. On est sur As Well Vibration. Et tu l'as sur les pattes, t'as quoi comme... Oui. Si tu nous décomposes ça. Alors, on a des... Ça, c'est des voix de carnaval, Haïti. Il est aussi super de l'aimant. Et puis on a du reggae, la Vibration. Et ça donne. EDS en direct du vernissage d'Exo, The Alchemist pour les Raw Beatbox. Et bon, on est le vendredi 29 septembre, donc c'est le premier jour du vernissage. L'émission sera diffusée dimanche. Et on est avec Le Man, un des invités d'Exo. Le Man, est-ce que ouais. Tu peux nous faire un petit coucou rapidement? Un coucou à tout le monde. Déjà, je suis obligé de venir apporter la force à mon pote qui donne tout dans le milieu artistique, notamment avec son concept de Exo Beatbox. Donc l'idée c'était de pouvoir apporter ma contribution artistique sur scène et lui donner la force. Surtout. Pour ceux qui pas connaître, donc Le Man, un rappeur qu'on connaît pour les déjà plus anciens depuis l'époque de Chrysanthème, le groupe que les Antilles ont pu connaître avec Red Zone et qui est toujours opérationnel sur la scène parisienne. Si tu peux nous dire, mais quels sont tes projets? On t'en parle parce que tu faisais partie des invités au micro ce soir, tu sors tout juste de scène. Quels sont tes projets? Alors, là, en ce moment? En ce moment, concrètement, je continue à... Tu vois, ma vie, c'est tout un spectacle, donc je continue à faire des prestations scéniques parce que j'ai un projet que je prépare en toute tranquillité. Et comme on dit, il n'y a pas de date, mais quand ça sortira, ça sera le moment. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce vernissage expo show? Alors, à savoir, pour préciser, c'est-à-dire que c'est une collaboration avec une étudiante qui s'appelle Madé et qui a... donc pour mission de réaliser un exposé. Et donc du coup, elle a kiffé sur donc la créativité d'Exotique. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ait pu s'exprimer, donc tous les MC aient pu s'exprimer sur scène, et que lui a pu donc présenter en collaboration avec elle tout son univers artistique. Donc que ce soit au niveau de la plastique, que aussi, au niveau des instrus, au niveau de du flow aussi, puisqu'il a fait une prestation avec Paisano. Et donc là, aujourd'hui, je trouve que il y a une très bonne collaboration puisqu'il y avait des personnes qui accueillaient les visiteurs pour leur expliquer le concept d'Exotique sans qu'il ait besoin, lui, d'être présent et puis de guetter, quoi. Donc, ils étaient tous briefés et à chaque fois, on avait le droit à une explication et il y avait un parcours intéressant aussi pour pouvoir faire découvrir l'univers de ce qu'ils voulaient présenter. Merci Le Man. Ouais, je t'en prie. À bientôt. Conlambi Music jeudi. On est en direct de l'expo Showcase Vernissage d'Exo, The Alchemist, qui nous présentait ce soir les Raw Beatbox. Et on a avec ce soir un des invités, Tengu San. Ya, ya, ya. Ça y est, Tengu. Ouais, nous là, nous là. Donc, ou pas à Martinique encore? Alors, ben non, ici, non, non, non. On va finir descendre 10 mois de ça à peu près. Puis ok. On va finir travailler ici aussi parce qu'on tenait un bon plan là. Et puis, frère, justement, les Raw Beatbox là. C'est-à-dire un gros projet éco-numérique. Donc nous, moi je suis descendu travailler avec les frères et puis aussi faire différentes choses aussi de moi-même, tu vois. Scène, préparation du futur album, etc. Voilà. Et comment tu as trouvé la mise en scène? C'était énorme, tu vois. Ce que je veux dire, simplement, c'était tellement énorme. Moi, j'étais dans la vibe toute la soirée, j'étais en train de déconner tellement c'était lourd. C'est énorme, franchement, c'était énorme. Pour expliquer aux auditeurs, on est dans une espèce d'usine désaffectée, réaménagée, consacrée entièrement à l'art, avec une installation sur plusieurs salles, où Exo, comme il nous a expliqué dans l'interview, a mis en scène ses boîtes de cigarettes customisées sur des arbres, sur des murs, avec des cassettes audio, des disques, enfin, un truc à voir. Il est encore temps au moment où l'émission sera diffusée de lui faire un petit tour à l'endroit à Anières-sur-Seine. Tengu, on va jouer dans l'émission un morceau de ton album Même Bête, ouais, qui a été produit par Exo. Ouais. Le morceau, c'est Racine Moins. Est-ce que tu peux nous dire deux mots pour le présenter? Alors, en fait, c'est mon point de vue, parce qu'en fait, ce morceau-là, à la base, déjà, je l'ai écrit, je venais de connaître Exo en 2007. Il m'a sorti un morceau à la base. J'étais un peu dans le mode de la nostalgie. Ça faisait presque 12 ans que j'étais pas allé au pays. Et j'ai senti ce mal du pays dont on parle. Et même si nous, on est un peu du terre-terre, on est chaud parce que moi, je suis né ici. Je l'ai senti au fond de moi. Il manquait un truc. Et puis Exo, c'est un soir, je suis chez lui. Et puis il me sort un truc. Et le morceau, il chante pour moi tout seul. Et je cherchais comment expliquer un peu cette nostalgie. C'était pour dire que je vois trop aussi bien ce qu'il y a de mal que ce qu'il y a de bien dans, chez moi, dans les îles, mais qu'en même temps, je lui porte un amour, il est sans condition, quoi. Si je dois être patriote, je suis patriote de mon pays avant tout, quoi. C'est ça. Tengu, j'allais te demander comment c'était effectué la connexion, la collaboration avec Exo sur ce morceau, mais tu viens de répondre, en fait, c'était très organique, comme Exo aime le dire lui-même dans ses collaborations. Exactement. Déjà, c'est Le Man, donc Le Man, c'est de Chrysanthème, je précise, du groupe qui travaille sur le Red Zone 2, avec Yannis Audois, Laurent Leduc. On l'interviewait à l'instant. Voilà. Yes. Et donc, ces frères-là, qui sont les frères qui m'ont porté dans le hip-hop avec Stike Eli Dub, avec Mash Traffic, avec Cerveau et tout le monde dans le temps, voilà quoi. Et tous ceux qui étaient là dans ce qu'on appelait dans le temps l'Enim Family, avant que ça devienne le Chrysanthème, qui étaient des M.O. Black, et tous ces frères-là qui étaient là, les Azra Larki, etc. Et en fait, c'était tout un collectif de solos. Mais tout le monde était capable de travailler avec tout le monde. À la fin, on a tous développé des trucs et une sorte de personnage, un truc. On s'est fait une vie autour de ça un peu plus sérieusement et on a tous un peu cherché à percer, quoi. Tu vois, dans le temps, c'était ça. Mais t'as vu, il n'y avait pas de la place pour tous. Avec le temps, le truc, nous, on a continué. Donc ça a mûri comme Le Man, quoi. Tu vois, merci Tengu. Comme t'as dit, tu prépares un deuxième album. Ouais. Mais l'album Même Bête est déjà disponible, ouais, donc allez checker ça, c'est sur les plateformes, ouais, ça se trouve partout et on va écouter le morceau encore, Racine Moins. Nina, ratez-moi, racine moins, même si où ça rend moins fou. Nina, ratez-moi, racine moins, où ça bat nous bon l'amour tout. Nina, ratez-moi, racine moins, même si où ça bat moins coup, ni en vibe, je peux pas tester ça. Authentique aussi ne va les gigoyards, pays moins. La nati, l'ambié poisson. Ni haïtien, ni arabe, ni nèg marron, ni nèg blanc, nèg bleu, pieds noirs, ni toute nation. Et que Béché qui a pollué la vie, nèg qu'au poison, nèg. Mi nèg, pas gardé yo, yo nèg. Pourtant, dis ça qui s'y met fait la jet, frère yo. Jolio, serré, fermé, yo. Hermétique, qu'on s'y font la vaisselle plein de l'eau. Ni ça qui a souri, ni ça qui méchant. Ni ça qui content la vie avec ça qui dément. Ni bad boys, ni grand moon, ni timamai, ni gotek, ki grand moon, ki timoun. Ni sa ki jiskwe, ek sa ki croyant, ni catholique, ni bouddhiste, ni musulman, ni d'autres qui couillon, ni chez pieds les colons, comme ayouti, mais ni chez assiette, et la bataille fait bouillon. Ni chic tai, ek tina l'an mori, ni sa kavon koyo, pour ti bon l'harmonie, pas propre famille, ek chante démocratie, en papagaï la France, ek gom gom, ek fizi. Atypiquement typique qui belle, natuel. Qu'on charnel, qu'a carré pour matériel, il s'a crié immatnique. Yo dit d'où c'est miel, il n'y en sel, en sel. Qu'on en sel, soleil en ciel, ni ça qui savent, et ça qui ignorant. Ni ça qui soit, et ça qui représente ciment. Ni ça qui nie, et ça qui a mangé. Mandé, mandé, bon Dieu, pour tout ça fini. Éducation, c'est la foi, c'est prier papa là. Donc j'ai dit merci pour richesse pays là. Ni morgue, ni corosol, papaye, maracuja, ni colibri, fonvon, ni zandoli avec mabouya, ni débouya comme gangsta. Ça qui si me gagne shot plutôt travail, va la poste là. Ni yeye, yeah, yeah, yeah, yes, ni beau poilé. Ça qui aime goloto et qui ni faille tout pour foyer. Ni Malta, qui Lorraine, qui corset, ni typical, soit atypique. Même si yo dit ou c'est français, c'est africain. Et qui aussi bonne sa cause, les necks si mais en français nec, on y gaffe en sortie. Nina, la témoin, racine moi, même si où ça rend moins fou. Nina, la témoin, racine moi, où ça bat nous bon l'amour. Je t'ai dit mon adé réglé, qu'on s'y pas tout n'est rond. Kaï ka fait, kaï ka passé. On nous parle de Bayou, man. Fais-y ton, écoutez, check. Mais gars qui a passé, tout le monde qui a déprimé. Au lieu qu'elle nous fonce, nous-mêmes qui a régressé. Tout le monde l'a dépressé, on rythme accéléré. On est bon comme un fou, on monte à ses quêtes. Malheureux, qui a lutté, pour y'a pas arrivé. S'arrête positif, y'a qu'à arracher chivé. Planète là qui a tourné, qu'on cite à l'envers. Paradis là en ciel, est-ce si t'es c'est l'enfer? Tout bitin brisé, des filles là qui a brisé. Le pire nous qui a frisé, rien pas maîtrisé. Ni ça qui a méprisé, c'est bon, bébé fisé. Si toi tu qu'a voyé, pour faire, y'a pas tué. A bon réflexion, mais plutôt on constat. Bitin là au kilo, nous tout déjà au combat. On vit meilleur, t'y n'y on loca, attends ça. C'est un qui l'éternel, qui met toi dans ça. On m'a vu une gueule, mais dis-moi quoi qui t'a passé. Y'a qui l'était gâté, j'en la tête à tourner. Tout partout où parler, c'est moun qui t'a goûté. Moi-même, qu'a mandé, on qui bite nous tourner. On m'a vu une gueule, mais dis-moi quoi qui t'a passé. Y'a qui l'était gâté, j'en la tête à tourner. Tout partout où parler, c'est moun qui t'a goûté. Moi-même, qu'a mandé, on qui bite nous tourner. On a un système pour être, il faut avoir. Ou ching ching, pop j'aime bien. Nous sachez tirer les bling bling, bling bling. Nous pas fait pour être un chien, nous c'est les king of king. Descendants d'esclaves, nous caillons pour la victoire. King of the ring, faut nous péter les chaînes en pied. Nous les déchaînes en diamant, évidemment. En big up, bah ça qu'arrivé éminemment. Nous besoin love, même manière que nous besoin l'argent. Si on met la famille à l'aise déjà, c'est un grand soulagement. Big up les nèg marrons, nous c'est nèg patron. Yo qu'a dit que nèg pas bon, savent que ni bon nèg savant. Né pour briller, direction les étoiles, nous c'est des stars. Garçon, nous jamais t'es les voiles. Né pour briller, nous just qu'a prend force nous dans les étoiles, nous c'est des stars. Direction la ligne, nous jamais t'es les voiles. Nous né pour briller, nous né pour briller, nous né pour briller, nous né pour briller, nous né pour briller. Juste qu'à prendre force nous dans les étoiles, nous c'est des stars. Direction la ligne, nous jamais t'y les voiles. Nous n'est pour briller, nous n'est pour briller, nous n'est pour briller, nous n'est pour briller. Nous pas aimer, obéir, nous c'est des rois. Nous c'est des races, si en fait tout est comprendre. Nous c'est des poids, nous c'est des nègres. Et nous pas négatifs, mais payez nous ça impératif. Si vous parlez peut-être tout compte l'impératrice. Malgré les cicatrices, nous carrêter du bout pour pas arrêter chouchout. Nous vînons en bateau, nous caillons pâti en soucoupe. En pied dans le futur, nous pas qu'à oublier tout ça qui passe. Et m'en savent, j'y mets la longue pour réparer tout ça qui casse. Né pour briller, bon Dieu pas jamais dit, nous né pour trimer. Big up à les avocats, les ouvriers, les oubliés. Né pour briller, ou savent, nous né pour briller, ou suivre. Nous né pour briller, ou savent, check. Né pour briller, né pour briller, nous jusqu'à prendre. Je remercie Mano Di Shango et Exotéric The Alchemist de nous avoir permis de monter cette émission aujourd'hui. On remercie aussi Le Man et Tengusan pour leur disponibilité. Juste après le titre Racine Moins de Tengusan, on a écouté Kakika Passé de McFla et également Né pour briller du rappeur Mali. Ce sont deux morceaux évidemment produits par Exotéric The Alchemist. Une émission résolument hip-hop créole, mais également art plastique, mais parce qu'il faut, il est important de souligner des démarches artistiquement pertinentes qui passent peut-être trop souvent sous le radar. Donc on vous invite à aller vous renseigner. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur le net. Il suffit de se bouger. C'était EDS pour Conlambi Music Jeudi. Je vous donne rendez-vous le premier dimanche du mois de novembre, 16h-17h sur Radio FPP 106.3 ou RFPP.net. Les podcasts seront bientôt disponibles et je vous dis à demain plus tard.